scénario noir, c'est un métier où tu peux imaginer un tribunal formé par de vieux juges ridés, et tu les vois condamner des étudiants terrifiés à mourir passés par les armes. Et dans ta tête en écho, tu te cherches un mot juste, juste un mot. Quel nom on donne à des êtres qui font exécuter des enfants en public quand ils rêvent de liberté? Pas le nom d'un animal, parce qu'il faudrait l'inventer. Rien n'existe sur terre qui soit moins sans pitié, sans pitié. Le scénario noir, c'est un métier avec le droit d'inventer des ectoplasmes décérébrés, genre humanité avortée, amnésique pure jusqu'au sourire d'un enfant pour son père. Et au bout du scénario, tu cherches toujours le mot, juste un mot. Des êtres qui font exécuter des enfants en public quand ils rêvent de liberté. Pas le nom d'un animal, parce qu'il faudrait l'inventer. Rien n'existe sur terre qui soit moins sans pitié. Quel nom on donne à des juges qui font exécuter des enfants en public quand ils rêvent de liberté? Pas le nom d'un animal, parce qu'il faudrait l'inventer. Rien n'existe sur terre qui soit moins sans pitié, sans pitié.